bebaka histoire bandaka. Hein, si vos pures à salaka orchestre n'a pas tu les stars pour nous séparer sa main en moka. Mais comme si ma faux producteur et mon kilo va mon arrière va lui passer la gaffe à mettre la gaffe. Zambé à quoi ça n'a pas mon donnerité. Hein, si vos pures en Zambé à quoi ça n'a pas si vos comatiles vos au Colomba. Et bon, on a nouvelle espérance à l'élan. Tiens la bienvenue, toi t'appelles le chanteur de charme. Et salut bon, on a chilachi, le beau garçon de Saint-Douleur. La Abidjan, battu des stars caca. Dans la prudence fait défaut, le peuple tombe. Battu des stars toujours debout. Alain Boy, le beau garçon de Saint-Douleur. Sans oublier, le bassiste des bassistes, Vicky Bass. Le seigneur de la batterie, là le seigneur, le grand rebelle, le roi de la jungle noire. Là, on a bien l'habitude, moi je suis père à la minute. Bon, moi je suis père, l'ami. Ah, affaire à moi, mon boule gata. Bakwadia Kuna, l'animateur le plus célèbre, attaqué quoi? Nyata! Hola.